A little stress. Post-traumatic stress. Just talk to me. It's a little stress. Il y en a eu d'autres avant. Je sais pas, moi ça m'inspire. Comme une accumulation de stress. Chargé à l'intérieur. Besoin de quoi? Tellement de facteurs, parfois. Comment faire cette complexité? Comment parfois en lâchant un peu, parfois se laissant un peu tranquille. Parfois se laissant aller à rêver un peu. Me laisser aller jusqu'au bout des pieds. Ça remonte jusqu'au cerveau. Que veux-tu que je te dise? Ça se sépare pas. Comment gérer tout ça en même temps? Tellement de stimulation. Juste prendre le temps de te poser. Bon, un autre organisme était dark aussi. De suivre. Hein, je suis dark? Non. Si, non, j'invite à... Je me parle à moi-même. C'est ma musique qui est dark. Je suis pas le plus stressé des plus stressés, hein. J'en ai vu des pires. Ouais, je te l'ai dit. Bien pire qu'à côté. C'est toujours mieux que rien. Plus pire qu'à côté, c'est jamais mieux que rien. Non, rien de rien, non, garderai tout pour protéger le magot. Car toi trop fou. Non, non, non. Tu n'auras rien, rien de rien, non. Rien, nom de Dieu, non. Même pas un sou. Tu vas te le gagner. C'est comme ça. À moins d'être né de l'argent. Dynastie. Oligarchie. Non, non, tu n'auras rien. Tu vas devoir gratter. Non, rien de rien. Tu vas devoir ramper. Je suis bien là, au-dessus de toi, et je te dis non, tu n'auras rien. Rien. Putain, j'avais pas vu. T'as scié les barons de mon trône. J'avais pas vu. Toi, toi, tu n'auras. T'as signé les barreaux. Tu n'auras. Qu'est-ce que tu mérites? Ouais, mon nom. Rien. Tu n'auras. Et tes regrets. Encombrés, encombrants. Toi aussi, on va te scier. Symbolique, on joue de la violence. Ouais. Your man can be here. Experience. Non, non, rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien du tout. Mais. Travaille, si tu transpires, peut-être que tu ne passes pas l'heure du stationnement. Caméra embarquée. Police règne. La police s'arme. Se militarise. Assurer l'ordre public. Ne passe pas l'heure du stationnement. Dans le quartier. Je vis dans un quartier sécurisé. samedi noir sur les routes, les autoroutes des vacances, dans mon 4x4 hybride. Font la caisse entre deux looks. Retour au boulot dès lundi matin. Quelques photos instagrammées. Pression d'exister. Recherche d'identité. Chacun son créneau, chacun sa voix. Welcome Eronia. Tentative d'extraction. Que se passera-t-il quand je soulèverai le tapis ? des rois, en s'appuyant de tout son poids sur ce que masque de cire semblait. Broyé, mutilé, l'Empire. Les incendies semblaient reluire entre ses ors caillés. L'écraser et abattait ce qui jadis était la gloire. Ce front géant qui la portait. Couronne et tête étaient placées. Couronne ardente, tête autoritaire. Couronne et tête étaient placées. Couronne ardente, tête autoritaire. Oh my god, oh my god. Where did you sleep last night? Thank you. dans les campagnes hallucinées. Once more, one you. That was cool. That was lovely. I loved it. GM next one. C'est ambiance bord de l'après-midi. C'est la beauté du monde, tes yeux. Tu la sens, tu la reconnais. La beauté du monde. Tu la sens, tu la sais, tu la vois, tu la vois. La beauté du monde. Ouais, c'est la beauté. La beauté du du monde, beauté du monde, la mission, il prend la beauté du que je n'ai pas, beauté du monde. C'est la beauté, c'est la beauté du monde. C'est la beauté du monde. De cerveau disponible, pas de la volée. Ça, c'était cool, hein. Moi, j'ai encore une fois, j'ai bien aimé, hein. Once more, I liked it a lot. It was GM. It was a hurry home, if someone recalls. Next one is going BM. Trust issues. I know it already, I think. Oh, my roommate is there. I think I'll stop soon. Oh. Gazpacho, il y a des pâtes, il y a du riz.